L'éducation. Il y a un art de former les corps aussi bien que les esprits. La course à pied, la course à cheval, la course dans les chariots se pratiquaient en Égypte avec une adresse admirable. Il n'y avait point dans l'univers de meilleurs hommes de cheval que les Égyptiens. Il faut entendre de même ce que dit Diodore touchant la musique. Celle qui fait mépriser aux Égyptiens, comme capable de ramollir les courages, était sans doute cette musique molle et efféminée qui n'inspire que les plaisirs et une fausse tendresse. Car, pour cette musique généreuse dont les nobles accords élèvent l'esprit et le cœur, les Égyptiens n'avaient garde de la mépriser. Enfin, l'Égypte n'oubliait rien pour polir l'esprit, anoblir le cœur et fortifier le corps.